La crime. You. Repro 3. J'en ai beaucoup sur la conscience, frérot, tu sais qu'on est fort. J'ai un putain de sourire aux lèvres quand tu me parles de mes torts. La porte était fermée, oui, je rentrais par la fenêtre. C'est vrai que je voulais te baiser ta mère, on m'a dit prends-toi pas la tête. T'as pommé tes bandanas de Tupac, t'es la rumeur. Je hais comme un tueur et j'aime comme un dictateur. Comme à l'époque où Gataga, on voulait tout pas grave. Là, comme Franck-Lucas, j'ai mon tapis en alpaca. On a des problèmes personnels, faut pas rentrer dans le détail. Ne dévoile pas le pied pour appuyer dans tes failles. Et mon moteur fait vrom vrom, je roule à Saint-Michel. On a la tonne à 600 000 au bled, on va nichen. À part si on m'allume, mon bébé, je suis dans les temps. Je revois la directrice me dire t'es foutu dans 8 ans. Je vois mon père avec des larmes et pris par la déception. Les fils de généraux qui m'attendent à la réception. Tu dois la crime, un ami, de quoi tu parles? T'es sec dans le tarot. Ceux qui veulent nous grind, nous grind, nous grind, nous grind. Et qu'on prenne un chaos. Teinter la vague, oh, fuir tous ces barges. Quelques mythes qui mènent en bateau. Qui nous souhaitent le malheur. Sont potards tout l'heure du monde, faut pas le sourire de Lolita. Amour c'est comme la drogue, ça coûte moins cher à Meda. C'est l'Algérie, fuite le Maroc. Faut que la musique c'est de la carotte. Ce qui fait l'homme c'est pas l'oseille, c'est la parole. L'argent propre on le salit, l'assassin part dans des gommes. Et pour gratter l'Hermès de peine que ça retourne à l'école. Là je me fais masser par Nicole, je fume un steak et je picole. Sourire en coin je rigole, j'attends patiemment la récolte. Par ego quand même pas pied, bâtard à des papiers. Les comptes ils veulent des photos, poteaux ils veulent plus mes pas. Pieds grillés comme un RDV devant le palais des congrès. Avec moi faut pas bégayer, mais faut parler que concret. Y'a ceux qui guettent et ceux qui butent, hein. J'ai rang qui rigole le putain. Qui ramène ça au poste posé pépère avec sa putain. You got a gala crime, c'est bien qu'on est parti de rien. Vont te faire closer dans le pleur. Ah non, on en a fait sur le terrain. Tu donnes la tout banane, l'ami, de quoi tu parles? T'es sec dans le tarot. Ceux qui veulent nous grind, nous grind, nous grind, nous grind. Et qu'on prenne un chaos. Teinter la vague, oh, fuir tous ces barges. Quelques mythes qui mènent en bateau. Qui nous souhaitent le malheur, voudraient nos valeurs. Qui pourrait tuer pour voler ta paye? Fais gaffe à ton dos. Cousin pourrait niquer ta mère, rata. Comme dans rue de Palerme, salaire. Rio, string fait salaire, frérot, tôt ou tard que des calaires. Chez nous la haine est une fleur qui pousse sans qu'on la rose. Ma famille me tient un cœur, mon berberie me tient un carreau. C'est you toujours aussi paro, big up à de se dar les barons. Stahin fait une garoche, je suis sur le Kilimanjaro. Tu donnes tout banane, l'ami, de quoi tu parles? T'es sec dans les tarots. Ceux qui veulent nous grind, nous grind, nous grind, nous grind. Et qu'on prenne un chaos. Teinter la vague, oh, fuir tous ces barges. Quelques mythes qui mènent en bateau. Qui nous souhaitent le malheur, voudraient nos valeurs. Qui pourrait tuer pour voler ta paye? Fais gaffe à ton dos. Aïe aïe. Fais gaffe à ton dos. Ou bien t'as gagné la crime. Repro 3 d'armes.